Le dirigeant national du Parti travailliste mexicain, Alberto Anaya Gutiérrez, a fait parvenir un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, à l'occasion de l'anniversaire de sa promotion au poste de président du Parti du travail de Corée. Le destinataire a noté qu'il a visité la République populaire démocratique de Corée en avril dernier et vu parfaitement de ses propres yeux la puissance militaire et celle de l'unité monolithique obtenue par le Parti du travail de Corée sous la direction éminente du camarade Kim Jong-un. Il a exprimé sa conviction que le Parti du travail de Corée remportera toujours la victoire dans la lutte pour la défense du socialisme et l'édification d'une puissance économique grâce à la direction du camarade Kim Jong-un. Il a souhaité de plus grands succès dans son noble travail pour conduire le Parti du travail de Corée et la République populaire démocratique de Corée.